Allez-vous-en. Oh, ces hommes. C'est toujours la même histoire avec les hommes. Ils veulent vous aider, c'est certain. Cette fois, je vais demander à une femme. Pardon, madame, où se trouve le boulevard Haussmann? Ah oui, il y a plusieurs beaux magasins boulevard Haussmann. Ce n'est pas facile, vous savez, mademoiselle. Voyons. Non, mademoiselle, excusez-moi, je ne sais pas. Tant pis, madame. Je vais demander à ces deux dames. Elles vont peut-être savoir où se trouve ce boulevard. Pardon, mesdames, où se trouve le boulevard Haussmann, s'il vous plaît? Je connais le boulevard Haussmann, mais je ne sais pas exactement où il se trouve. Excusez-moi, mademoiselle, nous ne savons pas. Je vais demander à cet agent de police. Monsieur l'agent, le boulevard Haussmann, s'il vous plaît. Je cherche les grands magasins. Tournez à gauche. Le boulevard Haussmann est là, devant vous. Mais vous savez, les grands magasins ferment leurs portes dans 5 minutes. Oh non alors! Tant pis, mademoiselle. Revenez demain avec un plan.